بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Continue inshallah la suite tafsir sourate Yusuf en espérant finir inshallah et après le tafsir des derniers versets بإذن الله تعالى. Le Cheikh, il ramène al-fawa'id, al-ilmiyya, c'est-à-dire toutes les leçons, les véritables leçons à retirer de Sourate Yusuf dans son ensemble. Wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, versets 108 et versets 109, قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Subhanallah, wa ma ana min al-mushrikin. Allah tabaraka wa ta'ala dit, selon le sens des versets, dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, j'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente, et Allah est dénué de toute imperfection, et je ne suis point du nombre des associateurs. هذا المنهج المنهج قل يعني يا محمد يا رسول الله أدعو إلى الله أولا أدعو إلى الله أدعو إلى توحيد الله عز وجل أدعو إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى إلى ألوهية الله وإلى أسمائه وصفاته أدعو إلى الله الله تبارك وتعالى أولا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في أركان الإيمان أولا أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى أولا وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله أولا توحيد الله جل وعلا أولا دي جابل الله c'est-à-dire هذه سبيلي يعني الطريق المنهج voici mon chemin. Ici Allah تبارك وتعالى il informe son prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi le chemin à prendre dans da'wa. قل أدعو إلى الله voici mon chemin. C'est quoi ce chemin? أدعو إلى الله, j'appelle les gens à Allah. J'appelle les gens à Allah en premier. Il n'a pas mentionné autre chose. Il n'a pas mentionné autre chose. Parce que la première chose, ce dont tu appelles, c'est Tawhidullah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah. Lakin, bishart, ala basira. Pourquoi basira? Al-basira, al-basar. Il n'a pas dit ala ilm, mais il a dit subhanahu wa ta'ala qala ala basira. Il n'a pas dit avec science, mais avec basira. Basira, c'est quoi? Al-basar. C'est comme si tu voyais. Tu témoignes de la chose comme si tu la voyais. Comme si tu la voyais. Comme hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Adore Allah comme si tu le voyais. Al-ihsan. Ala basira. والمعنى على علم ولا بالجهل ولا بالخرافات ولا بالمعدثات ولا بالبدعة لا على علم على كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتبع التابعين والعلماء من أهل السنة. وبعض الناس يدعو إلى الله على أي؟ على الجهل Voilà, à l'alqil wa qal. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala l'a bien montré comment est-ce qu'on fait da'wah. Dit, j'appelle les gens à Allah, j'appelle les gens au tawhid, tawhidullahi azza wa jal, ifradullahi fil ibada, à adorer Allah seul sans rien lui associer, à connaître Allah tabaraka wa ta'ala avant toute chose. Ça c'est quoi? C'est mon chemin. Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré. À la basira, avec science, al-ilm, al-da'wa na'am, lakin bi-ilm, bil-kitabi wa sunnah, bi-fahm sahih, à la compréhension des meilleurs, as-sahaba radallahu anhum, et ceux qui les ont suivis. Wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Wa minhum as-sahaba radallahu anhum. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Prenez ma sunna, la sunna des califes bien guidés après moi. Ça veut dire que les sahaba radhiyallahu anhum, ils faisaient da'wa comme le prophète sallam la faisait. Ils appelaient au tawhid avant toute chose, comme le nabi sallam il l'a fait, comme il a reçu l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ba'd an-nas min ahli al-bid'ah, certains, parmi les gens de l'innovation, disent « Oui, mais on fait da'wa. Regarde, les sahaba, ils sont partis loin faire da'wa. Ils sont partis loin, très loin faire da'wa. Les sahaba, ils sont comme dans le verset. « Ad'u ilallah ala basira. Ad'u ilallah ala basira. Ana, j'appelle Allah avec science, moi et ceux qui m'ont suivi. » La da'wa de sahaba, c'est la même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui dit quoi? La première chose à laquelle tu appelles les gens, c'est « La ilaha illallah » wa Muhammad rasulullah. S'ils acceptent ça, dis-leur bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné de faire 5 prières. S'ils acceptent ça, dis-leur bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à leurs riches de verser l'aumône légale à leurs pauvres. S'ils acceptent ça, dis-leur qu'ils doivent jeûner le mois de Ramadan. S'ils acceptent ça, dis-leur qu'ils doivent faire le pèlerinage. Awalan, la ilaha illallah. Appelle-les à la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'rifatullahi jalla wa ala. Wa ma ana min al-mushrikin fi jami' umuri bal a'budullah mukhlisan al-uddin. Et je ne fais pas partie des associateurs dans toutes mes affaires. Je n'ai rien à voir avec Al-Mushrikin. Mais j'adore Allah en toute sincérité, sans rien lui associer. ثم قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes, ni des anges, ni des djinns, ni quoi que ce soit. On a envoyé quoi au peuple d'avant? Ar-Rijal. Des hommes, des prophètes, mais parmi les hommes, des êtres humains. Nuhiya ilayhim min ahli al-qura. Et ils viennent d'où ces hommes-là? Des villes. Al-qura bil-ma'na, des villes. Les prophètes ne sont pas des gens qui ont vécu tout seuls, qui ont vécu tout seuls, à l'écart des gens, non. Étant donné que c'est un prophète, il va falloir qu'il connaisse ahwal an-nas, c'est-à-dire qu'il connaisse la circonstance dans quoi vivent les gens. Quand quelqu'un fait da'wa, il se doit de comprendre comment sont les gens qui l'entourent. Celui qui part d'ici pour aller faire da'wa dans un autre pays, et il part comme ça, il dit ouais, de toute façon on fait da'wa. Khata. Tu te dois d'apprendre quelle est la culture des gens chez qui tu vas. C'est quoi leur mentalité? C'est quoi la aqliya qu'ils ont? C'est quoi leur manière de penser là-bas? C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il l'a mentionné ici fi surati Yusuf, nous avons sorti des prophètes, mais qui vivent où? Dans les villes. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent avec le peuple auquel ils vont faire da'wah plus tard. Donc ils connaissent les personnes, ils connaissent la mentalité, ils connaissent les traditions de ce peuple. L'une des hikmah aussi, c'est que tous les gens qui vivent en dehors des villes sont des gens qui sont pas en général sociables. Pourquoi? Parce qu'ils vivent tout seuls. Il y a des gens qui vivent tout seuls en dehors des villes. Quelquefois, c'est des gens à cette époque-là, l'arabe, c'était des gens agressifs. Comme vous trouvez dans les hadiths, hein, quand tu vois le bédouin qui crie sur le prophète, il dit « Ya Muhammad !» Ça, il n'y a aucun sahabi qui pourrait le faire. Ça. Mais lui, il n'a pas l'habitude de vivre avec les gens. Lui, c'est un bédouin. Il vient du désert, il ne voit personne, il parle tout seul quand il est là-bas. Hein, il vit avec des, ou bien des animaux, ou il est tout seul. « Ya Muhammad !» Ou bien le bédouin qui est rentré dans la mosquée, il a uriné. Tu crois que Sahaba l'aurait fait ça? Non. Mais lui, il n'est pas habitué à ça. Il n'est pas habitué à Mu'amalat, à vivre en société. Il n'a pas de relation avec les gens. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que les prophètes sont sortis de leur peuple. Kadhalik, l'une des hikmas aussi, c'est qu'il a donné à ses prophètes, ils étaient bergers de moutons. Pas de chameau ou autre, mais de mouton. Parce que contrairement au chameau, le mouton, c'est une bête qui ne se casse pas la tête. Elle broute ou khlas. Hein? C'est une bête qui a de l'humilité, qui est simple à diriger, hein? Et simple. Alors que le chameau, qui m'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khuliqat al-ibl, khuliqat min al-shayatin. Khuliqat min al-shayatin. Le chameau a été créé de diable. A été créé de quoi? De diable. Toi, tu es créé de terre. Mais quand je te regarde, est-ce que je vois de la terre? Non, je vois de la chair et des os et du sang. Voilà ce que je vois. Est-ce que je vois de la terre? Non. كذلك الإبل خلقت من الشياطين والشياطين خلقة من الشيطان وخلقة من النار. Un diable est créé de feu. Et le chameau lui-même a été créé de shayatin. Mais quand tu le vois, est-ce que tu vois du feu? Là. وقال بعض العلماء كشعب عبد المحسن العباد حفظه الله خلقت من الشياطين بالمعنى خلقت من صفات الشياطين. Il a été créé avec les attributs de shayatin, al-kibr. Si on regarde bien le chameau, c'est une bête qui est assez orgueilleuse, toujours la tête élevée, toujours en train de te regarder de haut. Hein? Et c'est une bête dure à diriger. C'est ça la hikma qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas fait des prophètes des bergers de chameaux, mais des bergers de moutons. Pourquoi? Parce que les bergers de chameaux, il va falloir qu'ils soient plus forts que la bête. Donc ils sont à caractère dur. Et le chameau est une bête qui se venge. Hein? Comme il a rapporté cette histoire, Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, d'un berger qui avait tué l'enfant du chameau. Le chameau s'est vengé un an après en tuant l'enfant du berger. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit de prier dans les enclos. Hein? Pourquoi? Parce que est-ce que c'est une najasa? Ce que les besoins que fait le chameau, est-ce que c'est une najasa? C'est pas une najasa. Les bêtes que tu peux manger, leurs besoins ne sont pas une najasa. Jusqu'à même l'urine du chameau, le professeur l'a dit, on peut la boire. Pour celui qui est malade. Mais c'est quelque chose de fort, il faut mélanger en général avec du lait ou autre chose. Hein? Donc, pourquoi est-ce qu'il est interdit de faire la prière dans leurs enclos? Sachant qu'il n'y a pas de najasa. Il l'a interdit parce que la bête peut te tomber dessus et elle peut te tuer. Et elle le fait en général avec son torse. Elle pose tout son torse sur toi et elle te brise. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas fait des prophètes des bergers de chameaux, mais des bergers de moutons. Parce que le mouton, alhamdoulilah, c'est une bête simple. Et afin de commencer à diriger. Étant donné que tu es berger, tu commences à diriger. Et c'est ce qui les attendra plus tard, tous ces prophètes, alayhim salat wa salam ajma'in, à diriger des gens cette fois-ci. Et à appeler les gens. Hein? Jusqu'à même diviser les gens. C'est ce qu'ils ont dit. Certains disent, vous divisez la Ummah, alors qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné al-Jama'a, d'être uni. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses noms, il disait, Ana al-Mufarriq. Je suis celui qui, al-Mufarriq, c'est quoi? Celui qui divise. Bayn al-Haqq wal-Batil. Entre le vrai et le faux. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ محمد ساحر، c'est un sorcier. Pourquoi sorcier? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit sorcier? Parce que le sorcier divise les gens, il divise l'homme de son épouse. Il divise les parents, il divise les parents des enfants. Voilà pourquoi ils ont dit c'est un sorcier. Et c'est vrai qu'il divisait les familles, mais pourquoi? Parce que certains rentraient dans l'islam et les autres ne voulaient pas de l'islam. لكن يفرق بين الحق والباطل كذلك أهل السنة والجماعة يفرقون بين الحق والباطل بين السنة والحق والبدعة الباطل. On se doit de, ce n'est pas toute division qui est blâmable, mais à partir du moment où on divise afin de mettre la différence entre le vrai et le faux, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même dans son livre n'a-t-il pas appelé les gens au tawhid wa tahdhir min ash-shirk et de délaisser le shirk? Et tu vas dire non mais il faut pas sinon ça va faire la division. Ce n'est pas toute division qui est détestable. Quand la division elle permet de différencier entre le vrai et le faux, hein, c'est afin de faire la différence entre le vrai et le faux, là c'est louable. Et il n'y a pas de mal. Et il n'y a pas de mal. Ce qui vient annuler cette règle que certains ramènent, on avance tous ensemble sur ce qu'on s'entend, et sur ce qu'on ne s'entend pas, on se tait. Ça veut dire, Akhi, que je te vois dans le mal, et je ne dis rien. Je te vois prendre un chemin autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je dis rien. Ce n'est pas possible. Antum khayra ummatin ukhrijat linnas. وقال المفسرون قالوا أخرجت من الناس للناس. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir parmi les gens. Les ulama al-mufassirun, ils ont dit parmi les gens, pour les gens. Pourquoi pour les gens? تأمرون بالمعروف, vous ordonnez le bien. وتنهون عن المنكر, et vous interdisez le mal. وتؤمنون بالله, et vous croyez en Allah. Donc on ne peut pas marcher avec son frère en le laissant avec des erreurs et ne rien dire. Comme toi, tu ne peux pas marcher comme ça et les gens ne te disent rien. Personne ne te reprend. Chacun se corrige l'un envers l'autre. لكن بالعلم وبالكلمة الطيبة والأخلاق والأدب وبالموعظة الحسنة. Avec de bonnes paroles, avec science avant tout, avec un bon comportement. طيب. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné selon le sens des versets, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas? فَيَنْدُورُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Afin qu'ils regardent comment les peuples d'avant ont été anéantis. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même les a anéantis. Le fait de marcher dans, de visiter des sites où on trouve des ruines ou des choses comme ça, c'est permis. Comme il a dit Cheikh Al-Albani, rahimallah. C'est permis afin de se rappeler, justement, comme Allah azza wa jalla le mentionne ici dans ce verset, de se rappeler comment Allah tabaraka wa ta'ala, des nations puissantes, il les a anéantis. Pourquoi? Parce qu'elle mentait et rejetait le message des prophètes et des messagers. Alayhi salatu wassalam. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné, selon le sens des versets, quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Yani min Allah ya azza wa jal, venant d'Allah. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes, mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Il n'y a pas un prophète, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith, que son peuple n'ait pas écouté et n'a pas obéi à son prophète sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala, avant la mort du prophète, que le prophète lui-même voie l'anéantissement de son peuple. Subhanallah. Il n'y a pas un prophète qui est appelé au tawhid, à l'islam, sans que son peuple n'écoute pas, sans qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne fasse pas mourir son prophète tant qu'il ne lui montre pas l'anéantissement de ce peuple. Mathalan, par exemple, Lot, alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce que Lot lui-même il est mentionné, si j'avais moi la capacité de faire tomber le châtiment sur vous, je l'aurais fait. Lakin min Allahi subhanahu wa ta'ala. Ils ne l'ont pas écouté. Et il y a des prophètes qui viendront yom al-qiyamah tout seul. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yom al-qiyamah, chaque prophète vient avec sa umma, qu'il l'a écouté. Mais il y en a qui viendront seuls. C'est bien la preuve que ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'a, al-sunnati wa al-jama'a. Al-jama'a, c'est toi même si tu es tout seul, à partir du moment où tu es à al-haq. Même si tu es tout seul, mais tu détiens la vérité, c'est toi al-jama'a. Yani al-sunnati wa al-jama'a. Les gens de la sunna et du groupe. Mais ce groupe-là, même si tu es tout seul, à partir du moment où tu as la vérité avec toi, tu représentes al-jama'a. Tayyib. Maintenant, Inch'Allah, on va attaquer Al-Fawa'id, c'est-à-dire quelles leçons importantes on peut retirer de Surat Yusuf, alayhi salatu wassalam. Allahu Jalla wa Ala, on se souvient de ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit au tout début, « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas »« Ahsan al-qasas » Nous te révélons le meilleur des récits. En parlant de qui? Du récit de Yusuf, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla lui-même l'a mentionné comme étant Ahsanul Qasas, le meilleur des récits. Thumma qala Allahu Jalla wa Ala, laqad kana fi Yusuf. Il y a dans Yusuf wa ikhwatihi et dans ses frères ayatun liman lis-sa'ilin. Il y a des signes pour qui? Pour ceux qui questionnent. Celui qui ne questionne pas, laisse-le. Mais pour ceux qui questionnent, pour ceux qui veulent savoir, Allah tabaraka wa ta'ala a donné fi surat Yusuf beaucoup, beaucoup de sagesse et beaucoup de fawa'id, ilmiya, beaucoup de leçons à retirer. L'imen, l'issa'ilin, pour ceux qui demandent, pour ceux qui demandent, pour ceux qui questionnent, pour ceux qui veulent se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma qala Allahu jalla wa ala, laqad kana fi qasasihim, عِبْرَةٌ لِمَنْ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Pour qui? Pour qui il y a des choses bonnes à retirer dans la sourate Yusuf? لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Pour ceux qui sont doués de raison. Pour ceux qui ont la raison. Il ne faut pas confondre l'intelligence et la raison. Ce n'est pas toute personne intelligente qui a la raison. مَثَلًا. Certains bédouins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou après, qui n'étaient pas forcément intelligents, mais alhamdulillah, indoum al-aqal, ils avaient la raison, qui allait dans le bon sens. On lui demandait, comment as-tu connu ton Seigneur? Il a dit, lorsque je vois un chameau, les crottes d'un chameau par terre, cela me prouve qu'un chameau est passé. Lorsque je vois les pas d'un homme sur le sable, dans le désert, cela me prouve qu'un homme est passé. Lorsque je regarde As-Samawat et Wal-Ard, les cieux et la terre, cela me prouve qu'il y a un créateur qui a créé les cieux et la terre. Ce sont les traces d'un créateur. Wallahu Jalla wa Ala. Indaw al-aqal. Il a l'aqal. Il a la raison. Même s'il n'est pas intelligent. Alors qu'on trouve des gens intelligents, lakin yakfur billahi azza wa jal. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui ne croient pas en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que quelquefois, il faut réveiller l'aqal chez la personne. Abu Hanifa, rahimallahu ta'ala, une fois il était dans une assise, Il y a quelqu'un comme ça en plein assise qui ne croyait en rien. Ce n'était pas un musulman, croyait en rien. Il a dit quoi à Abu Hanifa? Il a dit, vous nous demandez de croire en Allah. Je ne le vois pas. Et je ne crois que ce que je vois. Deuxièmement, vous dites que Iblis, que Shaitan, sera puni en enfer alors qu'il est créé de feu. Comment le feu peut-il brûler le feu? Troisièmement, vous nous dites qu'il y a le Qadar, Qadar Allah. Qadar Allah ou Masha'a fa'ala. Allah a décrété toute chose. Donc ça sert à quoi qu'on se prenne la tête à faire des actions, à faire le khir et à se délaisser, puisque ça y est, tout est déjà écrit. Abu Hanifa, il a regardé comme ça, en pleine assise, il lui a fait ça. Il a regardé par terre, il a vu une pierre d'argile. Il a pris la pierre d'argile, il lui a jeté en pleine tête. Il s'est levé, cet homme-là, il a couru chez le qadi, chez le juge. Il a dit, Abu Hanifa m'a tapé. Il a reçu une convocation, Abu Hanifa. Voilà, tu lui donnes ça, il est convoqué chez le juge et tout. Abu Hanifa, il arrive. Le juge, il connaît très bien Abu Hanifa parce que c'est un grand savant de son époque. Il lui dit quoi? Il lui dit, qu'est-ce que tu as à répondre à cet homme-là? Cet homme-là, il dit que tu l'as tapé. Il a dit non, moi j'ai rien contre lui. C'est lui qui a quelque chose contre moi. Moi j'ai rien contre lui. Il m'a posé trois questions, je lui ai répondu avec une pierre d'argile. Après, il lui dit, comment ça, tu lui as répondu avec une pierre d'argile? Et il a senti le qadi qui avait des enseignements, parce qu'il connaît Abu Hanifa, il sait très bien que s'il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il lui dit, exprime-toi. Al-Mulhid, celui qui croyait en rien, il dit, moi j'ai mal. Tu m'as jeté la pierre, j'ai mal. J'ai une douleur. Abu Hanifa, il l'a regardé, il a dit, moi je ne la vois pas ta douleur, donc je n'y crois pas. Al-Rajul Qala, il a commencé à réfléchir, il a dit, ah, ça y est. Il a répondu à ce que je lui ai dit tout à l'heure. Ta douleur, je ne la vois pas. Tu me dis toi-même que tu ne crois que ce que tu vois. Eh bien, moi, je ne te crois pas. Je ne la vois pas, ta douleur. Il n'y a ni marque, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien. Donc, je n'y crois pas. Après, Abu Hanifa, le qadi lui a dit, vas-y, Abu Hanifa, cette fois-ci, montre-nous les enseignements de ce que tu as fait. Parce que je sais très bien que tu ne l'as pas fait pour rien. Abu Hanifa lui répond, deuxièmement, tu es créé de terre, je t'ai jeté de la terre et tu as eu mal. Et le diable a été créé de feu, il sera puni par le feu. Thalithan, l'homme il le regarde, il dit, et pour le Qadar? Il lui a dit, je t'ai jeté la pierre. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas rejeté? Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a laissé le libre choix sur ces deux choses-là. Il a dit, mais je n'ai pas osé. Et ben voilà, tu n'as pas osé. Tu n'as pas osé, mais tu aurais pu. Mais tu as fait le choix de ne pas me relancer cette pierre ou de me taper. Avec une pierre, elle a répondu aux trois questions. Les oulil albab, ceux qui sont doués de raison. Ceux qui sont doués de raison. Donc il y a des signes dans cette sourate, sourate Yusuf, pour ceux qui sont doués de raison. Wa qala Allahu jalla wa ala ahsanul qasas. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur des récits? Parce qu'on trouve tous les états dans ce qui s'est passé avec Yusuf alayhi salat wa salam. Min al-hal ila al-hal. Il est passé d'une situation à une autre. Il est très proche de son père, se retrouve dans un puits. Au début, on a voulu le tuer. Après, on l'a jeté dans un puits. Du puits, on l'a récupéré. Il était enfant. Il était petit. On l'a vendu. Ensuite, il a servi son maître. Ensuite, il a été tenté par une femme pour la fornication. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. De la prison, il a été tenté avant la prison avec d'autres femmes encore. Puis il s'est retrouvé en prison. De la prison, il est ressorti et il est devenu celui qui s'occupe, hein, dans le royaume de tout ce qui est l'économie. Lil maslaha. Pour le grand bien de ce peuple. Donc il a été ensuite élevé. Il est passé par tous les états. Yusuf alayhi salatu wassalam. Parmi les fawa'id que l'on trouve, le rêve de Yusuf, alayhi salatu wassalam. Il a rêvé de quoi? Que le soleil et la lune, ainsi que 11 étoiles, se prosternent devant lui. Ce n'est pas pour rien s'il a rêvé du soleil, al-shams wa al-qamar, du soleil et de la lune. C'est un prophète d'Allah. Son père est un prophète. Yaqub, alayhi salatu wassalam. Quant à ses frères, c'est une divergence. Certains mentionnent qu'ils sont prophètes, mais que même s'ils n'étaient pas prophètes, ils étaient ulama, ils étaient des savants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils tiennent l'éducation de qui ? Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais ils tiennent l'éducation de Yaqub. Lorsque quelqu'un leur parle d'Allah, c'est qui leur parle ? C'est un prophète d'Allah. C'est leur père. Même s'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Tayyib. Si on regarde bien, Al-Shams ou Al-Qamar, le soleil, les étoiles, le soleil, la lune et les étoiles, qu'est-ce qu'ils font dans le ciel ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils brillent. Ils brillent dans quoi ? Fidhulumat. Dans l'obscurité de la nuit, ils brillent. Kadalik al-anbiya wa rusul. Al-Nabi ou al-Rasul ou al-Nurun. Nurun li ummatihi. Fidhulumat al-shirk wa al-bidah. Nur al-tawhid wa al-sunnah. Parce que les prophètes et les messagers sont comme une lumière. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a mentionnés de cette sorte-là. Ils brillent hein, comme le soleil et la lune et les étoiles dans le ciel, comme les prophètes et les messagers sont une lumière par laquelle le peuple est guidé. Tayyib. Pour celui qui va un peu plus loin, Al-Shams ou Al-Qamar. Al-Shams, ici, le soleil désigne qui dans le rêve ? Hein ? Yaqub ? Le soleil. Donc la mère de Youssouf. Al-Qamar. Yaqub. Les étoiles. C'est 11 frères. Al-Shams ou Al-Qamar. Si tu dis en français, Al-Shams c'est le soleil. Il est au masculin. Or en arabe, il est au féminin. Al-Shams, le soleil en arabe, il est au féminin. Donc il représente la mère. Al-Qamar, il est au masculin. En français, c'est le contraire. On dit la lune, féminin. Or, en arabe, al-qamar, c'est un masculin. Donc, il représente Yaqub, alayhi salat wa salam. Donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, sait parfaitement de quoi il parle dans le Coran. Chaque mot a sa place bien déterminée. Tayyib. Wa min al-fawa'id. On a la preuve que ce que dit le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, est sahih. C'est la vérité. Il ne sait ni lire ni écrire. Et il n'a côtoyé personne qui a vécu au temps de Youssouf. Comment a-t-il pu connaître tout cela? Toute cette histoire de Youssouf, alayhi salatu wa sallam, dans les moindres détails. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé. طيب une autre faïda أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقول الله عز وجل لقول يعقوب فيكيد لك كيدا. Le fait de parler d'une chose que tu n'aimes pas, qui concerne certaines personnes, fi bab an-nasiha, afin de conseiller la personne, de la prévenir contre un danger. La preuve, c'est que Yaqub alayhi salatu wasalam a prévenu Youssouf contre ses frères. Il n'aime pas le comportement de ses frères avec Youssouf. Il sent qu'il y a le hasad, qu'il y a la jalousie. Il déteste ça. C'est un défaut, la jalousie. Que ici ont eu les frères de Youssouf. Mais Yaqub alayhi salam, pour en mettre en garde, il prévient contre ce défaut qu'a ses frères. Cela prouve quoi ? Que lorsque tu préviens d'un danger, il n'y a pas de médisance. Car certaines personnes croient que la médisance c'est partout. Tu vas prévenir, tu vas dire, Akhi, fais attention à un tel, parce qu'il propage tel mensonge ou telle chose ou telle chose ou telle chose. Akhi, fais attention à tel, ne commerce pas avec lui parce que c'est, hein, c'est quelqu'un qui est pas sérieux. C'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui triche. Et lui va te dire quoi ? Taqillah ya akhi. C'est de la médisance, taqillah. Ce n'est pas de la médisance. Lorsque tu préviens contre un danger Il n'y a pas de médisance, ça fait partie des bonnes choses. Hatta fil nikah, jusqu'à même dans le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme, elle vient le voir, lui dit, un tel m'a demandé et un tel m'a demandé. Il lui a dit, celui-là, il a le bâton sur l'épaule. Ils ont dit, voyage tout le temps. Quant à l'autre, il est pauvre et il n'a rien. Est-ce qu'il a dit, mais ce sont des sahaba, mais ils font qiyam al-lil, mais celui-ci fait beaucoup de prières, mais celui-ci cela, mais celui-ci il aime la science, ou là celui-ci c'est un savant, ou là. Là. Là. Quand il s'agit de prévenir contre un mal, on ne ramène pas ce qu'il fait de bien. Ça c'est nouveau, ce sont les gens qui ramènent ces nouvelles idées. Ashab Quraish, Al-Aram min Quraish, ce sont des gens qui recevaient très bien les invités et les voyageurs. C'était de bons commerçants, ils avaient beaucoup de qualités, des gens courageux. Mais est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a ramené un seul bien des mouchariquines dans un verset? Là. Il n'a fait que prévenir contre leur mal. Ash-shirku billahi azza wa jal. Kadhalik fil hadith. Lorsque les savants du hadith mentionnent une chaîne de transmission, ils disent, celui-ci dans la chaîne, il a un daf fil dabt, mathalan. Il est faible dans la mémorisation. Hein? Ou celui-ci, c'est un kadib, c'est un menteur. Ou celui-ci, il oublie. Il ne mentionne que ça. Et le hadith, il est classé da'if, directement. Est-ce qu'il rajoute « Walakin huwa min al-fuqaha, huwa min al-ulama, huwa muttaqi, huwa yusalli fil-layl » Est-ce qu'il rajoute ça en disant « C'est vrai, il a un da'if dans la mémorisation, mais c'est un savant. » Ou « C'est un savant dans le fiqh. » Ou « C'est un savant dans le hadith. » Oui, mais il prie la nuit. Non, il ne ramène que cette chose-là, que le manquement, afin de prévenir. On est en train de prévenir. Tu n'as pas à ramener ce qu'ils font de bien, à partir du moment où tu préviens. Et celui qui fait ça, hein, que quand tu vas lui parler, tu vas le mettre en garde contre un groupe ou une personne, il va te dire, oui, mais attends, ils font ça de bien, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Le bien qu'ils font, ils l'ont pris d'où ? Min al-kitab wa sunnah. Ils l'ont pris des gens de la sunnah. Ils l'ont pris du livre d'Allah et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien qu'ils font, bayna Allah ou baynahum, c'est entre Allah et eux. As-sahaba radhiyallahu anhum, vous ne le trouverez pas lorsqu'ils ont critiqué quelqu'un ou un groupe, qu'ils ramènent al-hasanat, qu'ils ramènent le bien de ce qu'ils ont fait. Vous ne trouverez pas. Cherchez. Parce que salaf al-salah ne le faisait pas. Quant à celui qui fait le contraire, c'est comme s'il disait, moi je sais comment on fait, mais eux, ce sont des ignorants. Donc c'est comme si tu insultais les pieux prédécesseurs. Que eux, ils ne savaient pas cette chose-là. Mais toi, tu ramènes le bien de tel groupe ou de telle personne. Le bien qu'ils ont, c'est entre eux et Allah, et cela ne regarde en rien. Il est où le bien de ramener ce qu'ils font de bien? Si ce n'est que d'augmenter l'amour de la personne vers ces gens-là. Alors que tu es censé prévenir. Allah tabaraka wa ta'ala sur les gens du mal n'a jamais ramené un bien d'eux. Al-mushrikoun min Quraish. Jamais. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle sur le khawarij, est-ce qu'il ramène un bien d'eux? Est-ce qu'il ramène un bien d'eux? Il dit quoi? Kalab ahl al-nar, ce sont les chiens des gens de l'enfer. Kalab al-jahannam, les chiens de l'enfer. Quand vous allez voir leur ibadat, hein, vous allez détester vos ibadat à vous, vos adorations. Ici, ce n'est pas le bien, il ne leur fait pas les éloges. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi dans le hadith? Leur lecture du Coran ne dépasse pas le gosier. Abu Huraira, il leur a dit quoi? Antum tuqimun al-huruf, yani huruf min al-Quran, wa nahnu nuqimun al-hudud. Vous appliquez les lettres. C'est vrai que vous lisez le Coran, mais vous ne faites que lire. Nous appliquons les lettres. Nous appliquons les règles du Coran. Est-ce qu'ils ont fait les éloges? Lorsque salaf au salah, ils préviennent contre le qadariya, ou le jahmiya, ou ghayruhum, est-ce qu'ils disent « lakin » Non. Ils préviennent contre leur mal et ils se taisent. Ils ne disent rien d'autre. Donc ne croyez pas que lorsque l'on prévient contre quelqu'un, il faut rajouter « Oui, mais tu sais, il a fait ça de bien, et il a fait ça de bien, et il a fait ça de bien, et il a fait ça de bien. » Là. Yom al-Qiyama, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui présente une partie de sa umma, il veut intercéder, on lui dit non. Et il dit « Ummati, ummati, c'est ma communauté, c'est ma communauté. » On lui répond quoi ? « Tu ne sais pas ce qu'ils ont ramené après toi. » Est-ce que la hasanat, elle leur serve là ? Ils ont amené quoi ? Al-bid'a wa al-mu'adathat. Wa khala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kulla mu'adathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar. Tayyib. De faire attention qu'un péché... Car un péché engendre un autre péché. Les frères de Youssouf, ils ont voulu se débarrasser de Youssouf. Premier péché, c'est quoi ? Qu'ils ont eu ? Al-hasad, la jalousie. La jalousie, c'est pas bien, c'est interdit. Al-hasad. De la jalousie, ils sont passés à quoi ? À vouloir le tuer. De vouloir le tuer, ils en sont passés à le jeter dans un puits. Un péché engendre un autre. Ensuite, ils sont revenus vers Yaqub et ils ont menti. Un péché engendre un autre. Donc le musulman doit faire attention. Lorsqu'il va tomber dans un péché, qu'il fasse bien attention, car ce qu'il attend après, ou c'est le repentir et il arrête là, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah Azza wa Jalla va lui pardonner, bi'idhnillah, ou bien il continue jusqu'à ce que les péchés, les petits péchés vont devenir des grands péchés. Et jusqu'à ce que les grands péchés vont le ramener à sortir de l'islam, wa li'adhu billah. Une autre faïda que l'on retire de Surat Yusuf, ce n'est pas parce que le début de la vie de quelqu'un est mauvais, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la fin. Regarde les frères de Yusuf. Ils ont voulu tuer leur frère. Ils ont menti. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais à la fin, Yaqub alayhi salatu wassalam, et Yusuf alayhi salatu wassalam ont fait dua pour eux. Qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonne. Et la dua des prophètes, elle est exaucée. Et ils ont fini dans le bien, ils ont reconnu leur erreur. Et ce qui compte, c'est ça, c'est la fin. Ce qui compte, c'est la fin. Et non pas le début. Pourquoi certains ont considéré qu'ils étaient des prophètes ? Liqulillahi Azza wa Jalla, wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Wal asbat. C'est là qu'ils ont dit qu'il s'agit des frères de Yaqub, des frères de Yusuf. Tayyib. Parmi les fawa'id, il y a le fait que l'une des meilleures choses dans ce bas monde que la personne puisse avoir, c'est al-ilm wal-akhlaq wal-da'watu ilallah ila dinihi subhanahu wa ta'ala. L'une des meilleures choses que la personne puisse avoir, c'est quoi ? C'est la science. Et avec cette science, appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a rappelé à son prophète Yusuf alayhi salatu wa salam, qu'il l'a touché par la science et lui a donné la science, ainsi que la science des rêves, ainsi que de bons comportements. Et il n'a pas manqué, comme chaque prophète, d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Une autre faïda, c'est que les gens divergent les uns des autres. Dans quel sens ? Par rapport au comportement. Il y en a qui sont pires que d'autres. Parmi les frères de Youssouf, ils ont voulu le tuer. Mais le plus grand d'entre eux a dit non, on ne le tue pas, on s'en débarrasse seulement. Cela prouve que les gens ne sont pas pareils. Il y a des gens qui ont un mal en eux plus grand que d'autres. Comme ici le cas du plus grand des frères qui n'a pas voulu tuer Youssouf. Ce que l'on trouve aussi comme faïda, c'est l'interdiction de rester tout seul avec une femme qui ne t'est pas permis. Comme Youssouf s'est retrouvé tout seul. C'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné « وَثَلِثُهُمَا الشَّيْطَانِ » Lorsqu'un homme et une femme sont tout seuls dans une pièce isolée, le troisième c'est le diable. Certains y disent, par leurs idées, « Mais moi j'ai pas de waswas. ou bien cette femme-là ne me plaît pas. Wallahi tu khalifu sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu contredis la sunna du prophète. Et comme il a très bien dit Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, comment voulez-vous qu'il y ait du bien lorsque deux personnes, le troisième c'est Shaitan. Comment vous pouvez nous dire ne t'inquiète pas ou n'aie pas peur, comme s'il y allait y avoir du bien. Sahibuka al-Shaytan, un diable, c'est ton compagnon. Comment veux-tu qu'il y ait du bien entre toi et cette femme-là lorsque le troisième c'est le diable, subhanallah al-Azim. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il prévient contre ça. Wa Yusuf alayhi salatu wa salam a délaissé, alhamdulillah, cette femme-là. Il y a aussi le fait de faire attention al-mahabba. Est-ce que ton amour, il est basé sur du sahih? Pourquoi? Parce que cette femme-là, la femme du vizir, l'a aimé durant de nombreuses années. Et elle-même, elle l'a dit, quand on a vu dans le récit, qu'elle a reconnu qu'elle aimait cet homme-là, Yusuf alayhi salam. Or, on dit qu'il est resté très longtemps en prison. Et malgré ça, elle avait encore cet amour envers lui, envers Yusuf alayhi salam. Walhamdulillah, Yusuf alayhi salam a été épargné de ça. Mais chaque musulman doit faire attention, et musulmane, à ce que son amour va vers ce qui est authentique, vers ce qui est, est-ce qu'il est basé cet amour sur quelque chose de bien ou bien il est basé sur du batil. Tayyib. Il y a la preuve que Yusuf alayhi salatu wassalam, malgré son titre de prophète, il a l'une des caractéristiques de ceux qui seront sous l'ombre d'Allah. Laquelle, parmi ceux qui sont sous l'ombre d'Allah, il y a celui qu'une femme a invité à faire zina, il a dit « Ana khafullah, j'ai peur d'Allah » ou « Je crains Allah » et il l'a repoussé. Il a cette sifa, puisqu'il l'a fait. Donc il rentre dans, parmi ces gens-là qui sont sous l'ombre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Ala kulli hal wa min anbiya Allah azza wa jal » il est un prophète d'Allah, donc quoi qu'il arrive, Allah tabaraka wa ta'ala va l'élever pour son rang. Mais il a les attributs des gens qui sont sous l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une autre leçon à tirer. Anna man dakhala al-iman qalbahu wa kana mukhlisan lillah fi jami'i umurihi. Celui dont la foi rentre dans son cœur et qu'il est sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes ses affaires, Allah tabaraka wa ta'ala va l'éloigner de ce qui est mauvais. Kadhalik Yusuf. Il n'est pas tombé dans l'adultère ou la fornication ou dans la vengeance. Il aurait pu dire, mais mes frères ont voulu me tuer, mais je vais les tuer. Non. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a épargné. Par quoi? À cause de sa foi. À cause de la foi qu'il a fil qalb. Or toi, si tu as une foi correcte et tu es sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes tes affaires, sache qu'Allah azzawajal va te préserver. Allah tabaraka wa ta'ala va te préserver. Parmi les autres choses, il y a le fait que lorsque le péché se présente, de partir à l'encontre du péché. Lorsque Yusuf, cette femme-là est venue, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a cherché la porte de sortie. Il n'a pas cherché à négocier ou à parler ou à discuter. Non, la porte. Immédiatement, elle est où la porte et il s'est sauvé. Ensuite, elle l'a déchiré son khamis de par derrière. Ce qui prouvait que c'était bien elle qui était coupable à ce moment-là. Mais il a cherché quoi? Al-Bab. Wa huwa Nabiyullah Azza wa Jal. Donc le vrai croyant, il est un exemple comme prophète. Le vrai croyant, lorsque le péché se présente, il va à l'opposé. Quel que soit le péché. Si tu es tenté par une chose, va à l'opposé. Tu dois fuir la chose. Et non pas te rapprocher. Yaqulillahi Jalla wa Ala, wa la taqarrabu az-zina. N'approchez pas l'adultère. Pourquoi n'approchez pas? Il n'a pas dit ne faites pas. N'approchez pas. Parce que si tu commences à discuter, si tu commences à parler, tu vas avoir des sentiments et des envies. Et ensuite, tu vas tomber dans le péché. Donc, ne t'approche même pas. Ne t'approche même pas. Tayyib. Parmi les enseignements que l'on retire aussi, c'est que Yusuf a la beauté. Zahiran wa batinan. Aussi bien à l'extérieur, il était connu pour sa beauté. On dit même qu'il se cachait le visage avec un voile pour pas que les femmes le voient. Ijtinab al-fitna. C'est lui qui se mettait à l'abri de la fitna. Il savait qu'il était beau, il se cachait. On dit qu'il se cachait le visage. Pour pas que si une femme, elle le voit, elle risque d'être tentée, ça va lui ramener les problèmes. Kadhalik al-muslim. Le musulman, il doit être beau, ça on le sait. Mais c'est quoi ton intention au moment où tu te fais beau? Est-ce que c'est d'être beau à même Allah et Azza wa Jal parce que tu es musulman et le musulman, il doit être beau? Ou bien c'est le vrai fond de la niya, de l'intention, c'est d'attirer ou bien l'akhawat, ou bien l'nisa. Al-shaytan, alladhi yuwaswisu fi sudur innas. Donc tu dois faire attention à ça. C'est quoi le but de te faire beau? Est-ce que c'est de plaire? Hein? Ou bien c'est afin d'être beau, parce qu'Allah Azza wa Jal est beau et il aime la beauté. Tayyib. Parmi al-fawa'id, que l'on peut retirer de Sourate Yusuf, c'est lorsque tu as le choix entre un péché ou al-uquba et quelque chose de mauvais dans cette dunya, c'est-à-dire un châtiment dans cette dunya, hein, quelque chose de désagréable, alors tu dois pencher vers ce qui est désagréable. Tu dois plus souhaiter ce qui est désagréable plutôt que le péché. Ad-dalil Yusuf, alayhi salatu salam. Au lieu de faire zina, elle a préféré aller où? En prison. C'est bien la preuve que lorsque tu as le choix entre un péché d'Allah, tabaraka wa ta'ala, envers Allah, azza wa jal, ou bien avoir une ibtila, une épreuve dans la dunya, tu dois préférer l'ibtila fi dunya. Comme l'a fait Yusuf, alayhi salatu wassalam. Parmi les enseignements encore, العلم والعقل. La science et la raison appellent celui qui les a vers le bien et lui interdisent le mal, alors que l'ignorance t'appelle au mal. Celui qui a la science et qui a l'aql, la raison qui va vers cette science-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens où l'aqliya, c'est quoi? C'est le hawa, ou le shahwa. Il y a des gens jusqu'à ce que tellement les passions ont pris le dessus que leur raison devienne suivre le hawa, suivre la passion. Ils n'ont plus de raison. Ils n'ont plus de raison. Leur raison est devenue une passion. C'est la passion et la pulsion qui a pris le dessus. Al-shahawat, qui ont pris le dessus. Jusqu'à ce que ça devienne son aqal. Jusqu'à ce que ça prenne entièrement et s'envahisse entièrement sa raison. Wal aqal fi al-qalb. Ala qawli ar-raji'i bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les fawa'id de Sourate Yusuf, c'est de commencer dans la da'wa parce qu'il y a de plus important. Les deux qui étaient en prison avec lui lui ont posé une question sur les rêves. Les deux ont fait un rêve, les deux ont demandé à Yusuf. Yusuf n'a pas répondu directement. Pourquoi? Parce qu'il voit que ces gens-là, ils vivent dans shirk. Donc il appelle les gens au tawhid et il les prévient contre eux. Shirk billahi azza wa jal. Parce qu'il a vu que c'était le plus important. Il aurait pu lui répondre directement. Ton rêve à toi, ça veut dire ça. Ton rêve à toi, ça veut dire ça. Là, non. Il a vu qu'ils ont un manquement. Le plus grand manquement qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans shirk, ils ne connaissent pas de tawhid. Alors, il commence par le plus important. Ah, après seulement, il les a appelés pour définir leur rêve. Donc, tu dois commencer par ce qu'il y a de plus important. Lorsque tu es dans une chose détestable ou dans la difficulté, il n'y a pas de mal lorsque tu demandes à quelqu'un qui en est capable de pouvoir t'aider. Yusuf, alayhi salatu wassalam, qui est un prophète d'Allah, et c'est bien la preuve que après avoir demandé l'aide d'Allah, tu dois faire des causes. Qu'est-ce qu'il a dit à celui qui allait sortir lorsqu'il lui a interprété le rêve? Il lui a dit quoi? Toi, tu vas rester vivant et tu vas sortir et tu vas retrouver la place que tu avais. N'oublie pas de me rappeler auprès de ton maître. بعد الاستعانة بالله جل وعلا وهذا الرجل هو قادر. Il est capable de l'aider. Il ne demande pas quelqu'un qui n'est pas capable, comme les gens qui demandent à des morts ou à des gens de l'invisible. Alors qu'il est un prophète d'Allah. C'est bien la preuve qu'il faut faire asbab, il faut faire des causes. Tu fais du'a, Et Allah, donne-moi telle chose, permets-moi d'avoir un travail, permets-moi de me marier ou d'avoir des enfants, etc. Mais tu te dois de faire la cause. Et c'est bien la preuve ici que Yusuf alayhi salatu salam, après avoir demandé le secours d'Allah, il a demandé à cet homme-là, عند ربك, يعني auprès de ton Seigneur, auprès de ton Maître, n'oublie pas de me rappeler auprès de lui. Ce qui montre la sincérité véritable de Yusuf alayhi salatu salam, c'est que ce jeune-là qui est parti n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Il n'a pas rappelé Yusuf auprès de son maître. Ce n'est que longtemps après qu'il est revenu, il lui a dit, mon maître, il a fait tel rêve. Yusuf, il aurait pu dire, écoute, moi, tu m'as oublié, moi, je ne te donne pas. Et je ne t'explique rien du tout. Mais Yusuf, il est mukhlis lillahi azza wa jal. Il est sincère avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce qui l'intéresse, c'est la sincérité envers Allah. Donc, il lui donne quand même, voilà l'interprétation du rêve de ton maître. Tu lui diras ça, ça, ça et ça. Ça, c'est l'ikhlas. C'est qu'il ne cherche pas à plaire aux gens ou quoi que ce soit. Tout ce qui l'intéresse, c'est la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les fawa'id que l'on peut retirer aussi, c'est les bienfaits de la science. Car les bienfaits de la science ont permis à Yusuf, alayhi salat wa salam, de... d'expliquer les rêves de ces gens-là qui sont venus le voir, ainsi que de commander at-tadbir, hein, il a commandé tout ce qui est l'économie du pays, wa tarbiya, et il a éduqué. Il a éduqué ses deux jeunes et il a éduqué ses frères. Donc c'est la science qui lui a permis de faire tout cela. Comme a dit l'imam Bukhari, rahimahullah fi sahih, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et les actes. Parmi les fawaïd que l'on trouve fi surat Yusuf alayhi salat wa salam, le fait d'interpréter un rêve, ça fait partie de l'fatwa. Le fait d'interpréter un rêve, ça fait partie de quoi? Al-fatwa. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, fi surat Yusuf, a appelé le fait d'interpréter un rêve, al-fatwa. Lorsqu'il a dit Allah tabaraka wa ta'ala, قال أفتوني في رؤياي أفتوني. Donne-nous le fatwa sur ce rêve, c'est-à-dire interprète le rêve. Mais Allah Azza wa Jalla a mentionné le fait d'interpréter le rêve comme le fatwa. Donc ça rentre dans le fatwa. Donc ce n'est pas n'importe qui non plus qui le fait. Wa qala aftina, hein, aftina, donne-nous le fatwa sur les sept vaches, hein, ce rêve-là avec les sept grosses vaches et les sept vaches maigres. Aftina, c'est-à-dire donne-nous le fatwa, dans le sens explique-nous le rêve. Mais Allah Azza wa Jalla a bien encore une fois ici, pour la deuxième fois, il a appelé le fait d'interpréter un rêve, al-fatwa. Taïb. Parmi les enseignements, encore une fois, donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas interpréter un rêve sans science. On ne peut pas interpréter un rêve sans science. Aujourd'hui, les gens, ils rêvent et vont voir n'importe qui. Tu sais, j'ai rêvé de ça, ça, ça, ça, et l'autre, il t'invente une histoire. Hein? L'autre, il t'invente une histoire. Quant au livre que vous trouvez dans le Maktabat, l'interprétation des rêves de Ibn Sirin, les ulama disent qu'il ne l'a pas écrit ce livre. Et même si tu as le livre, tu crois que, voilà, par exemple, le fait de rêver d'une tortue, ça veut dire ça, ça, ça. Tu crois que toi, ça y est. Ça veut dire que tout le monde qui rêve d'une tortue, ça veut dire tous la même chose. Là, l'interprétation des rêves dépend de la personne déjà en elle-même. Il faut connaître la personne, dans quoi elle vit, c'est quoi sa circonstance. Il n'y a que le kibar, ça. Il n'y a que les grands savants qui expliquent ça. Parce qu'ils ont la science pour pouvoir expliquer. Ils vont faire le lien entre la dunya et la science et ce qu'il a rêvé. Et après, ils donnent el fatwa, comme on dit, par rapport à ce rêve. Parmi el fawa'id que l'on trouve dans sourate Yusuf, il y a le fait de bien recevoir les invités, comme Yusuf alayhi salatu wassalam, sachant que c'était ses frères et qu'ils se sont débarrassés de lui, il les a reçus convenablement. Alors qu'est-ce qu'il en est de gens que tu reçois mais qui ne t'ont jamais fait de mal? Et il est connu que l'invité... Les invités de Yusuf sont repartis avec une leçon de vie. Hein? Il est connu que l'invité, c'est vrai, il ressort avec, alhamdoulilah, le ventre plein. Hein? Mais au lieu de te casser la tête sur ce que va manger l'invité, alhamdoulilah, tu lui donnes bien à manger, tu le sers bien, etc. L'invité doit ressortir avec ce qu'il avait le plus besoin. Il doit ressortir de chez toi avec ce qu'il avait le plus besoin. Ça veut dire que ton invité, tu le connais. Tu l'invites, tu vas avoir des manquements chez lui. Eh bien, arrange-toi que pendant que vous parlez, pendant la discussion, qu'il ressorte, une fois qu'il est ressorti de chez toi, il ressort avec ses manquements qui ont été corrigés. Al-Nasiha. Hein? Et non pas le fait de ressortir tout simplement comme ça. Si, alhamdoulilah, il n'a pas de manquements visibles que tu connais, alors, testafid. Testafid indahu ou ma'ah. Ou bien tu prends la science de lui, parce qu'il en a, ou bien entre vous, vous partagez de belles paroles du Coran ou des hadiths. Et cela n'empêche pas aussi de parler des choses de la dunya. Il n'y a pas de mal à ça, tant que les choses sont permises. Une autre chose, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui pourrait rapporter l'in. Comme il a dit Yaqub, lorsqu'il a dit à ses fils, il leur a dit quoi? Vous passez tous, quand vous rentrez là-bas, tous par une porte différente. Parce qu'il ne voulait pas que les gens disent, oh, regarde, subhanallah, ils sont 11 frères, ça veut dire que le père, lui tout seul, il a 11 fils. Et c'est une fierté. C'est une fierté pour un homme qui a 11 enfants, 11 fils. Hein? Le père, il est toujours fier de ses enfants. Et le père, en particulier, il est toujours fier des fils. Hein? Il porte son nom, sont les héritiers, etc., etc. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Pour éviter l'aïn, donc lui aussi, il fait les causes. Pourtant, c'est un prophète d'Allah, mais il fait les causes. Hein? Comme il disait Cheikh Ibn al-Asimi, rahimallah, la question qu'on lui posait, c'était, une femme, elle lui dit, si mes enfants, je les habille avec des affaires simples, parce que j'ai peur que les gens leur portent les yeux. L'aïn. Ou l'aïn moujoud. L'aïn, ça existe. Par la jalousie ou des choses comme ça. Et il a dit, la basse, il n'y a pas de mal. Donc il faut faire les causes pour tout ce qui pourrait empêcher l'aïn. Parmi les bienfaits, c'est de ne témoigner seulement de ce que tu connais. Et tu ne témoignes pas d'une chose que tu ne connais pas. Nous ne témoignons que ce que nous savons. Rien d'autre. Tu ne témoignes pas d'une chose que tu ne sais pas. Si on te demande, tiens, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Wallah, Allahu alam, je ne sais pas. Tu n'as pas vu, tu n'étais pas là. De quoi tu vas parler? Les gens, ils croient qu'ils sont obligés de répondre, oui, mais quelque... Non, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Et les sentiments, il ne faut pas qu'ils arrivent. Par exemple, si on te demande, oui, tu l'as entendu un tel dire ça, et cette personne-là, tu ne l'aimes pas. Ne commence pas à chercher, à essayer de te souvenir. Attends, c'est obligé, j'ai entendu quelque chose. Pourquoi? Parce que tu ne l'aimes pas. Non, tu n'étais pas là et tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Il faut rester juste. Même si la personne, tu ne l'aimes pas. Les épreuves d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'imtihan, Allah Azza wa Jal envoie des épreuves, comme il a envoyé à Yaqub alayhi salatu wa salam, hein, Yaqub qui ne pouvait, on dit qu'il ne pouvait pas se séparer une heure de son fils, Youssouf, tellement il aimait son fils. Une heure sans Youssouf, il ne pouvait pas. Or, on dit qu'il a été séparé pas moins de 30 ans. Hein, ne croyez pas que tout ça s'est passé en un an. Pas moins de 30 ans, il a été séparé de Youssouf alayhi salatu wa salam. Ensuite, il apprend que son deuxième fils, Benyamin, lui aussi, il a été retenu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Sabrun jamil. Hein? La patience est belle. Ça, c'est un prophète d'Allah qui patiente. Donc, nous aussi, on se doit de patienter dans les épreuves. Vient aussi qu'après la difficulté, vient la facilité. Il suffit de résumer ce qu'a fait Youssouf, alayhi salatu wasalam. Regardez comment son histoire a commencé, comment elle a fini. Alhamdulillah, il a eu la facilité. Et parmi al-fawaid que l'on retient aussi, c'est le fait de demander toujours une bonne fin à Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que de remercier Allah azza wa jal sur les bienfaits. Maqala Yusuf alayhi salatu wassalam, qala anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman. توفني مسلما وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. Il est un prophète d'Allah et pourtant lui-même il demande à Allah fais-moi mourir musulman. يقول لله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو تفسير سورة يوسف عليه السلام. Donc c'est le 8e cours et le dernier cours de Sourate Yusuf. Les cours, bi'idhnillah, vous l'avez sur le site lavoidroite.com. Il y a les deux premiers qui sont sortis, inshallah. Les autres, inshallah, ils viendront bi'idhnillah ta'ala. En tout cas, ils sont tous enregistrés, alhamdulillah. Donc on retire tout ça. Ça veut dire que celui qui a assisté au cours de Sourate Yusuf et des enseignements qu'il a eus, mais en vérité c'est valable pour n'importe quel autre cours, que ce soit dans cette mosquée ou une autre mosquée, à partir du moment où tu entends l'ilm, al-ilm wal-amalu bih, il s'agit d'appliquer. Ne croyez pas que les textes religieux, c'est des contes, ou des légendes, ou des histoires pour passer le temps, hein, ou pour avoir certains sentiments et après ça s'arrête. Non, c'est fait pour être appliqué. C'est ta vie, elle est basée sur ça. Tu as été créé pour ça, pour appliquer la science. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِ وَالْإِنْسَ إلا ليعبدون كيف تعبد الله بالعلم كيف تعبد الله بالعلم. Donc l'ilm c'est pas une histoire comme ça, l'ilm c'est fait pour être appliqué. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.